La quête. Mon phare n'éclairant que la partie de route située juste devant moi, je ne suis pas à mon aise sur les petits chemins par cette nuit peu claire. Je roule en me méfiant des ombres. Finalement, j'arrive sans encombre devant le lieu étrange. Je connais la route, pensais. Je me glisse à l'intérieur par l'entrée réservée à Miloche et je me dirige dans le faisceau de ma lampe vers la benne de récupération des métaux que j'inspecte. Un vieux sommier à ressort, un bidon décoré d'une tête de mort, des tas de bouts de fer, une gazinière grasse, une roue, une tôle froissée. Une roue ? Fébrile, je balaye de ma torche les alentours de cette découverte, en détail, pour voir apparaître la forme d'une bicyclette sous le tas de ferraille accumulé. Elle est en elle-même irrécupérable, j'en ai bien peur, mais elle n'en a pas moins l'air d'un vieux modèle. Le détail est important, essentiel même en la circonstance, car mes vélos sont difficiles et n'accepte pas les pédales modernes. En effet, grâce au génie d'un ingénieur réformateur, les pas de vis recevant ces organes essentiels de la mécanique ont un beau jour été légèrement agrandis. Ce changement vital a été peu à peu étendu à tout le parc cyclomobile. Par conséquent, Aimé est obligé de faire des pieds et des mains pour trouver ces fameuses pédales, appelées étrangement « au pas français ». Après cette parenthèse technique placée à dessein à cet endroit du récit afin de le clarifier, j'échafaude un moyen de récupérer mon épave à deux roues. Je descends dans la benne où j'entreprends de dégager ma découverte. Le bidon pestiféré est léger, je le mets facilement de côté en évitant de trop me frotter dessus, car le crâne qui me regarde en souriant de ses orbites vides sur fond orange vif orné de deux os humains en X ne me dit rien qui vaille. La gazinière me donne plus de mal, plus encombrante, plus lourde. Mes mains et mon pantalon se tachent de la graisse alimentaire visqueuse dont l'appareil est entièrement recouvert. Cette gazinière délaissée n'a jamais dû sentir l'odeur d'un détergent quelconque ni connaître la caresse d'une éponge. Je la mets de côté avec une moue dégoûtée en la poussant du pied. Le sommier à ressort est quant à lui d'un encombrement maximal doublé d'un poids considérable. Je le saisis par un angle. Et usant de toutes mes forces, je ne parviens à le soulever que de quelques malheureux centimètres. Une machine à laver ancien modèle, d'une lourdeur que je devine abominable, s'est affalée dessus, goûtant un repos bien mérité en finissant de rouiller à son aise. Bloquée d'un côté et de l'autre par des objets métalliques divers, elle s'avère parfaitement impossible à déplacer, et je change alors de tactique. Je retourne au sommier, que je soulève par à-coups, gagnant un peu de place à chaque effort. La lampe entre les dents, je fais bouger le vélo avec le pied. Il est tout proche. Je continue mes va-et-vient verticaux, gagnant à grand-peine un soupçon d'amplitude à chaque mouvement. Je ne me repose pas, tout à ma quête des chères pédales, contractant et relâchant prudemment les muscles de mes épaules, de mes pectoraux, de mes bras, sollicitant mon dos aussi, les jambes tendues par l'effort fourni pour me maintenir debout dans ce tas d'immondices ferreux d'une instabilité cliquetante. Bientôt, je suis à bout de souffle. Heureusement, l'espace me paraît suffisamment grand pour atteindre la bicyclette. Tenant le sommier de la main gauche, je contracte la totalité des muscles de mon bras pour le maintenir en l'air, avant de plonger ma main droite vers le vélo. Ma lampe dans la bouche, ne pouvant déglutir, je bave abondamment avec des bruits de succion mêlés à des ahannements réguliers de douleur, rapport à mon épaule dressée vers le sommier. Je tends le bras droit ainsi que la main qui le prolonge, mais il me manque encore quelques centimètres. J'ai l'impression que mon omoplate va se détacher de mon corps sans parvenir à toucher le trésor. Je m'enfonce un peu plus sous le sommier dans une position invraisemblable, somme de tension de membres en tous sens, tous au bord de la déchirure. Jusqu'à ce que... Joie ! Je parviens à saisir le guidon du vélo que je tire vers moi. Il résiste le con ! Je l'agonie d'injures, moi qui suis épris de politesse. Mais il y a des limites. Ça y est, je le sens qui arrive vers moi, vexé. Je prolonge mes deux efforts brachiaux antagonistes, je pousse en dehors, je tire en dedans, tandis que mes jambes flageolent dangereusement. Et je suis à quelques centimètres de réaliser mon exploit, sous le regard admiratif de la lune, qui ne s'est déplacée qu'en quartier pour me regarder de son air penché. Les étoiles sont là. Elle scintille pour moi en m'encourageant. « Vas-y, Miloche !» me disent Uranus, Pluton, Vega, Bétégeuse, Alpha du Centaure et les autres. « Vas-y, Miloche ! On est tout avec toi !» Encouragé par ce public féminin, je contracte la totalité de mes muscles dans un cri étouffé d'effort et de victoire, arrachant complètement le vélo à son lit d'immondice. Quand mon pied droit, tout à coup, se dérobe sous moi. Je chute vers l'arrière, tandis que le sommier s'effondre sur ma jambe gauche avec un fracas terrible que je couvre par un hurlement de douleur. La souffrance est épouvantable. Je me crispe immédiatement, façon morceau de bois, toutes dents dehors. Mes muscles, tendus jusqu'à la démesure, n'en forment plus qu'un seul, prêt à rompre. En tombant, je me suis planté un objet métallique dans le dos. La douleur est violente. À tout ceci s'ajoute une peur soudaine, celle de me vider de mon sang par saccade pour mourir ici, seul, à petit feu, supplicié dans une benne à ordures. Rassemblant mes forces, je parviens à soulever mon tronc et j'atténue ainsi la douleur dans mon dos. La position s'avère très inconfortable. Ma jambe gauche, coincée sous le lourd sommier, me fait horriblement souffrir. Il faut que j'arrête de penser avec mes muscles, que je réfléchisse à une solution astucieuse. Je tente de retourner en entier dans ma tête, en respirant profondément plusieurs fois. Les Égyptiens ont transporté des blocs de pierre énormes avec leur cervelle. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas pareil avec un vulgaire bout de ferraille. À tâtons dans le noir, car ma lampe baveuse que j'ai lâchée dans ma chute doit reposer je ne sais où au fond du tas de déchets métalliques, je cherche un objet qui pourrait faire levier. Mes mains se posent sur un tube en métal indéterminé que je parviens sans grande peine à dégager du tas. Tentant de sublimer la douleur aiguë que provoque ce mouvement dans ma jambe, je saisis l'objet à deux mains, le levant par-dessus ma tête avant de l'introduire sous le sommier. Prenant appui sur le bidon à tête de mort, je me suspends à l'extrémité du levier et le fût se tasse sur lui-même dans des craquements de métal. Après quelques essais infructueux qui ne font que compresser un peu plus le bidon, et je pense à César, le sommier commence à se soulever avec lenteur, diminuant la pression sur ma jambe. Progressivement, en m'aidant du bassin, je dégage ma cuisse qui me fait souffrir le martyr, puis mon mollet. Je pousse un rugissement qui prend sa source dans mes entrailles, quand je suis obligé de tordre mon pied pour m'extirper tout à fait du sommier. Puis je lâche le levier, épuisé par la manœuvre. Ma sueur a trempé mes habits, que je suis mal. Je rassemble mes esprits à la petite cuillère, et avec d'infinies précautions, je parviens à sortir du trou de l'enfer. Orphée moderne, je me retrouve sur le sol des vivants, diminué, mais soulagé. Je me traîne vers la sortie, après m'être retourné vers le vélo, que de toute façon je ne reverrai plus jamais. La lune ayant décidé de ne pas m'éclairer davantage ce soir, je ne vois qu'un tas informe, même pas étincelant. Je referme le grillage et, prenant appui sur l'arbre qui a veillé sur mon vélo, je remonte en selle, guerrier blessé retrouvant sa monture. En y mettant le temps, la jambe pendante d'un côté, martyrisée par les irrégularités de la route, heurtée à intervalles réguliers par la pédale orpheline qui m'arrache larmes et cris de douleur, je me ferai un passage dans l'obscurité. Au bout d'une éternité de sueur et de douleur, j'arrive enfin. Je parviens à descendre de vélo sans tomber, ce qui relève de l'exploit. Puis, m'en servant de béquille, je rentre encore une fois avec lui, le déposant contre la table du salon qui doit penser que je prends décidément de mauvaises habitudes. Le rituel pour rejoindre mon lit est sacrément rallongé par ma blessure. Avant de me coucher, je me mire de dos, torse nu, dans le miroir de la salle de bain. On croirait un bout de corps de fakir débutant. Mon verso est comme poinçonné, déchiré par endroits. Du sang séché a fini de couler et les trous, d'un rouge profond, ont entamé le processus de cicatrisation. Je me couche en me traitant d'imbécile, à l'encontre de tous mes principes d'autosuggestion positive habituels. Il faut parfois des entorses à la règle.